La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous dans l'émission La Malle de Sindbad. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Eh bien, je ne dirai qu'un mot, plutôt un nombre, 1967, et un discours qui suit. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر وليس ذلك صحيحا لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. Eh bien, voilà le discours de démission de Nasser après la défaite de 1967. J'ai décidé de démissionner de façon irrévocable de toute fonction officielle. C'est donc la fin du nassérisme. Quel bilan peut-on en tirer? Eh bien, en juin 1967, les armées arabes subissent un terrible revers dans la guerre éclair qui les oppose pendant 6 jours à Israël. C'est cette guerre de juin 1967, celle à Naxa. Le président Nasser annonce sa démission dans la foulée. Spontanément, des dizaines, des centaines de milliers d'Égyptiens descendent dans les rues et lui demandent de revenir au pouvoir, ce qu'il fera. Il restera en poste jusqu'à sa mort survenue en 1970. Si vous êtes cinéphile, si vous avez envie de voir un très bon film de Youssef Chahine, eh bien sur cet épisode absolument marquant de la fin du nassérisme, nous ne pouvons que vous recommander l'Asfour, le moineau de Youssef Chahine, qui existe en coffret et qui est traduit, enfin, sous-titré en français. Entre 1952 et 1967, une décennie et demie s'étend. 15 ans de nassérisme, ce socialisme arabe, qui relève plus d'un nationalisme matiné de mesures sociales. Il faut citer réforme agraire, services publics, grands travaux, industrialisation. La direction du pays est assurée d'une main de fer. La contestation systématiquement éradiquée. On autorise les syndicats quinféodés et muselés. Les organisations de gauche, il faut rappeler quand même pour mémoire qu'il y a au moins 3 partis communistes égyptiens, les organisations de gauche sont interdites, leurs militants pourchassés et incarcérés, quand ils ne sont pas torturés. Le bilan s'avère sombre, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le successeur du Raïs, Sadat, Anwar Sadat, n'aura guère de mal dans les années 1970 à endosser les habits de fossoyeur en promouvant l'iftitar, cette libéralisation de l'économie qui rimera avec le rapprochement important avec Israël. Mais ceci est déjà une autre histoire. Aussitôt, dès qu'elle apprend la tragédie de juin 1967, Oum Kalthoum décide de contribuer à panser les plaies à vif. Elle entame une tournée internationale afin de lever des fonds dans les pays frères, ce qui ne l'empêche pas au passage de donner deux soirées à l'Olympia de Paris en novembre 1967. Elle y glisse le sublime El Atlal, d'après une qasida magnifique d'Ibrahim Nagui, sur une musique inoubliable de Riyad Essumbati. Voici donc le morceau, le début, l'introduction instrumentale du morceau Atlal, avec eh bien, les premières paroles, le fameux Yafou Hadi. Les paroles sont d'Ibrahim Nagui, Kalimat Ibrahim Nagui, la musique de Riyad Essumbati, Alhan Riyad Essumbati. Voici donc El Atlal 1966. C'était donc El Atlal, un morceau pardon, de 1966, une introduction instrumentale suivie du fameux Yafou Hadi. Les paroles sont d'Ibrahim Nagui, la musique de Riyad Essumbati. El Atlal, ce sont les ruines. Les ruines, mais quelles ruines ? Eh bien, les ruines du campement. Le thème des ruines du campement, El Atlal, occupe le premier volet d'une qasida classique. Une qasida, c'est tout simplement une ode. Le poète, éploré, contemple dans ses vers inauguraux les traces laissées par la tribu de sa belle. Ils sont partis. Éprouvé par la séparation, il vante les qualités de la bien-aimée, al-Habib, et raconte les doux moments passés à flirter. Pour ce faire, il prend à témoin deux compagnons venus le consoler. Dans Al-Atlal, Kalthoum interpelle son cœur, Yafou Adi. La passion, qui semblait indestructible, en fait un château de sable. Cette passion s'est effondrée. Kana sarhan min khayal fa hawa. Jouant sur l'image d'un commensal échanson qui nous sert le vin, elle lui demande à son cœur, elle lui demande à boire, mais ici, l'organe de l'amour l'abreuve de larmes qui n'en finissent plus de couler. Elle cherche à comprendre comment un sentiment si fort a pu se tarir. C'est alors qu'arrive l'évocation des premières retrouvailles dans le nid de l'amant. L'artaban lui brûle les veines et par une supplique conservée dans toutes les mémoires, أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. Rends-moi ma liberté, romps les entraves à mes mains. Moi, je n'ai fait que donner et je n'ai rien retenu. Et bien par cette supplique, elle tient grief à son amant des injustices subies. Et de poursuivre, Ah, من قيدك أدمى معصمي ولما أبقيه وما أبقى عليا. Ton lien a fait saigner mes poignets. Pourquoi le garderais-je quand on voit ce qu'il m'a fait ? محتفاظي بعهود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا لدي. Pourquoi conserver des promesses que tu n'as pas respectées ? À quoi me mènerait cette servitude quand le monde est à moi ? Nous vous invitons à savourer l'intégralité de cet hymne dans 15 jours à l'occasion d'une émission spéciale El Atlal. Depuis 1973, l'état de santé d'Oum Kalthoum s'est sérieusement dégradé. Affaiblie par des insuffisances rénales chroniques, elle doit renoncer à ses projets. Le 3 février 1975, elle décède d'un arrêt cardiaque. Ses obsèques sont suivies par des millions d'amoureux qui accompagnent des heures durant le cercueil de leur idole, porté à bout de bras dans les rues du Caire. Voici, avant de nous quitter, son dernier titre. Il s'agit de Hakam Alayn al-Hawa, un titre de 1973. Les paroles sont d'Abdel Wahab Mohamed, la musique de Balir Hamdi, Kalimat Abdel Wahab Mohamed, wa Alhan Balir Hamdi. Ceci est la dernière chanson enregistrée par Kalthoum en studio. Elle sortira à titre posthume. L'artiste, très affaibli, chante une ultime fois, assise sur une chaise. Elle s'éteindra avant de voir reverdir un second printemps. Ma'as salam. Thank you. Never.

Yeah. شمم لنا وادى الحياة معنا Yeah.